Aujourd'hui, l'éloge du sacré. La musique sacrée s'arrête pour moi au XVIe siècle, écrivait Claude Debussy en 1911. Les âmes printanières et charmantes d'alors pouvaient seules exprimer en des chants purs de tout alliage mondain leur ferveur véhémente et désintéressée. Il faut un tel dépouillement de soi-même pour chanter le divin. Il faut se donner à cette œuvre avec une héroïque générosité et un constant renoncement à toute chose et à soi-même. Qui nous rendra le pur amour des musiciens pieux des anciennes époques? Qui éprouvera à nouveau la grandiose passion d'un Palestrina? À l'écoute de cette Ave Maria de Palestrina, c'est toute cette ferveur véhémente et désintéressée dont parle Debussy qui se dégage pour chanter le divin. Ferveur véhémente par la puissance et la sincérité de la foi, ferveur désintéressée par ce renoncement à soi-même qui incite à la prière et à la communication avec Dieu. L'homme, écrit Robert d'Harcourt dans sa préface à l'Esprit de la liturgie, n'est profondément lui-même qu'en Dieu. Il se dépersonnalise en se cherchant. C'est peut-être dans cette phrase qu'il faut voir la clé de toute l'inspiration musicale de Palestrina. Palestrina, musicien, mais plus encore, Palestrina, homme de Dieu. Palestrina dont l'essentiel de l'œuvre s'offre à la liturgie, comme une offrande sur l'autel. Palestrina dont les messes, les motets, les hymnes, les psaumes répondent à cet effort dont parlait Paul Claudel, cet effort honnête d'un artiste qui, de son mieux, avec les moyens qu'il a à sa disposition, essaye non pas lui-même d'apparaître, mais de répondre au Créateur par une création. Thank you. composée pour inciter à la prière, composée même pour enseigner peut-être une manière de prier, en laissant de côté les exigences de son moi, en laissant de côté le désir égoïste de plaire, la recherche personnelle de la satisfaction. C'est sans doute ce à quoi tend Palestrina lorsqu'il compose. Paul Dukas va jusqu'à retrouver dans le message du musicien italien cette expression collective et dépersonnalisée des premiers chants liturgiques de l'histoire de la musique occidentale. Dans le plein chant, dit-il, la musique est aussi complètement anonyme que dans la chanson populaire. Et il faut des siècles pour qu'apparaisse avec le contrepoint et l'opposition des mélodies entre elles un art de formation savante. Ni Palestrina, ni ses contemporains, ni ses successeurs immédiats ne travaillent pour ce qu'on appelle la gloire. Et j'ajouterai que s'ils ne travaillent pas pour la gloire, ils travaillent à la gloire, et à la gloire de Dieu. La vie de Palestrina est placée sous le signe de l'Église catholique. C'est vers 1550 qu'il entre à Rome au service du pape Jules III en qualité de chef de chœur de la basilique Saint-Pierre du Vatican. Un événement assez exceptionnel si l'on sait que Palestrina vient de se marier et qu'à cette époque, les églises romaines choisissaient traditionnellement leurs musiciens parmi les ecclésiastiques célibataires originaires du nord de l'Europe. Et puis, c'est sa nomination comme maître de chapelle à la basilique de Saint-Jean de Latran, la plus importante église de Rome après Saint-Pierre, où Palestrina reste jusqu'en 1560. Il prend ainsi la succession de Roland de Lassus et de Jacques Arcadelt. Et puis, à partir de 1571, il reviendra à la basilique Saint-Pierre, où il occupe le poste, cette fois de maître de chapelle, et ce, pendant les 23 dernières années de sa vie, c'est-à-dire jusqu'en 1594. Il n'est donc pas étonnant que l'essentiel des œuvres religieuses de Palestrina ait été offerte aux principales autorités ecclésiastiques de son temps. Le pape Jules III, bien sûr, le pape Marcel II, dont une des messes célèbres de Palestrina porte le nom, et puis les papes Paul IV et Grégoire XIII. Dans les dernières années de sa vie, Palestrina est véritablement considéré par la papauté comme le compositeur attitré de la chapelle Sixtine, et c'est à lui que l'on commande généralement toutes les grandes œuvres de circonstance. Thank you. Devant un ciel mouvant, en contemplant de longues heures ses beautés magnifiques et incessamment renouvelées, écrit Debussy, une incomparable émotion m'étreint. La vaste nature se reflète en mon âme et insensiblement les mains prennent des poses d'adoration. Sentir à quel spectacle troublant et souverain la nature convie ses éphémères et tremblants passagers, voilà ce que j'appelle prier. Eh bien, la conception debussiste de la prière se situe, à mon avis, bien aux antipodes de l'esprit qui anime la musique sacrée d'un Palestrina. Parce que, pour Palestrina, la prière est un acte spirituel qui s'inscrit avant tout dans un rituel liturgique rigoureusement codifié. Un rituel en dehors duquel le Vatican ne peut envisager de communiquer le message chrétien. Chez Palestrina, ce rituel, eh bien, c'est tout simplement un ensemble de règles d'écriture qu'il applique. Et il les applique avec tellement de perfection et dans un souci de plénitude sonore telle que c'est presque notre propre présence spirituelle qui nous est révélée à l'écoute de cette musique. Palestrina a écrit une centaine de messes et chacune de ces messes se plie d'une manière ou d'une autre à l'usage codifié d'emprunter des thèmes liturgiques anciens tirés des hymnes ou des anciennes. Et ce thème, qui varie d'une œuvre à l'autre bien sûr, eh bien n'est autre que ce fameux cantus firmus, ce chant emprunté qui rend subitement perceptible aux oreilles de l'époque, aux oreilles averties de l'époque en tout cas, le lien qui existe entre la tradition ancestrale du chant liturgique et la polyphonie du XVIe siècle. Le pape Pie XI affirmait que la musique de Palestrina est pétrie de sagesse chrétienne. Alors faut-il comprendre que cette sagesse chrétienne transparaît dans l'intention hautement désintéressée du musicien de laisser résonner les grandes voix du passé ? Il semble que seule la musique puisse nous apporter une réponse.